L'actualité à Nancy et ailleurs. Le mois de septembre, eh bien, c'est le mois des virades pour lutter contre la mucoviscidose. Les virades de l'espoir, donc, ce sera le dimanche 30 septembre à la forêt de Haye. Monique Husson, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de cette manifestation qui va se dérouler le dimanche 30 septembre sur le lieu du tennis club de la forêt de Haye toute la journée. Alors, un mot sur l'association Vaincre la mucoviscidose et cette maladie. Une maladie génétique qui est la plus fréquente en Europe, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est la maladie la plus fréquente, oui. Qui touche indépendamment hommes, femmes, enfants? Oui, nous en parlons. Oui, tout à fait. Donc, c'est une maladie génétique. Il y a à peu près 7000 patients en France qui sont malades. Et il faut savoir que dans notre population, il y a à peu près une personne sur 30 qui est porteur de cette maladie, sans être malade. Donc après, le hasard de la vie fait que si on rencontre une autre personne porteuse, eh bien on a un risque sur 4 de transmettre la maladie. Et donc, à ce moment-là, un couple de parents porteurs a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Le rôle de l'association Vaincre la mucoviscidose, il est multiple, il est de faire connaître cette maladie. Quel est-il? Il a 4 missions essentielles, effectivement. D'abord, la recherche, hein, ça a été des progrès vraiment énormes en peu de temps, hein, puisqu'on a découvert le gène CFTR responsable de la maladie en 1989. Et depuis, les progrès ont été énormes, alors que en 1960-70, on mourait à 5 ans de la maladie. La recherche est énorme, mais il y a aussi l'information, il y a aussi l'aide aux patients, il y a aussi l'aide au CRCM, au Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, où on prend en charge nos patients. Donc l'association aide aussi les CRCM à soigner les enfants et l'information, bien sûr. Le CRCM, il est basé sur Nancy, hein, sur le lieu de Brabois. Sur l'hôpital d'enfants de Nancy, tout à fait. Ouais. Voilà. On a un par région, 45 à peu près en France. Alors cette journée, ce mois de septembre, les virades de l'espoir, ils représentent beaucoup pour l'association, j'imagine. C'est une partie énorme, effectivement, des ressources de l'association pour mener à bien toutes ces missions, effectivement. Donc, d'où l'importance de cette organisation et des bénéfices de cette journée. Alors, cette journée va se dérouler, comme maintenant plusieurs années, sur le secteur de la forêt de Haye. Là, ce sera au tennis club de la forêt de Haye, le dimanche 30 septembre. Ça commence à 8h30. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les temps forts de cette journée qui est vraiment ouverte à tout le monde, à enfants comme adultes, hein? Voilà, tout à fait. C'est vraiment pour tout public, effectivement. Enfin, le but, c'est que ce soit une journée conviviale, une journée festive, une journée d'information et une journée ludique. Alors, sportive, parce que le sport, c'est important dans la mucoviscidose. Et donc, symboliquement, donner son souffle pour ceux qui en manquent, c'est le grand thème de la journée. Donc effectivement, les temps forts, ça va être des marches organisées par plusieurs associations, le club alpin. Il va y avoir de la marche nordique qui va commencer à 9h15 au départ de la forêt de Haye et d'autres randonnées à 14h et à 9h30. Il va y avoir aussi une randonnée vintage qui va démarrer de Gondreville, qui va rejoindre le site de la forêt de Haye où il y a les manifestations. Et le retour sur Gondreville se fera avec des voitures anciennes. Pas mal de randonnées donc pour donner son souffle et ouais. Aussi d'autres activités sur place. Il y aura des jeux beaucoup, de piste, hein, je voilà, crois. Voilà, il y a toute une kermesse vintage aussi avec effectivement un marché vintage avec des massages, avec un chamboule-tou, avec une kermesse, un mur d'escalade qui est toujours fort apprécié, du qigong, mais aussi du tennis, bien sûr, puisqu'on est sur le tennis club, du foot en salle, du pilotage de drone et puis bien sûr des petits jeux de piste donc qui seront avec des balades en famille, des petits parcours qui seront dans la forêt organisés avec un petit quiz et puis bien sûr une guinguette, l'animation et la brasserie qui va bien. Eh bien, une belle journée. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour leur donner envie de venir vous rencontrer et puis participer à cette journée le dimanche 30 septembre? Ben, je dirais surtout à tout le monde que c'est notre combat au quotidien auprès de nos patients, que tout le monde peut se sentir concerné, parce qu'en général, quand on est porteur d'une maladie, on ne le connaît, on ne sait pas. Et donc, je pense qu'on peut tous se sentir concernés. Aujourd'hui, on manque de moyens d'une manière générale, donc les dons de tout le monde sont vraiment très importants. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment une journée qui est très agréable, très conviviale, où tout le monde peut s'y retrouver, où l'ambiance est bonne, où on a toute une effervescence d'un groupe de bénévoles actifs. Et voilà, c'est une belle journée. On attend le beau temps qui pourrait nous combler ce jour-là. Et la journée se termine avec un lâcher de ballon de façon symbolique. Eh bien, Monique Husson, merci beaucoup pour ce message. Et en vous souhaitant une belle journée le dimanche 30 septembre pour cette journée des virades de l'espoir. Ben, merci beaucoup et vous attend nombreux cette journée-là. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.